1400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from the loss of signal. Choisir entre vous deux, je ne pourrai jamais jouer seul.